Un enfant est un numéro dans le dossier d'un être humain. Un enfant est une envie pour des gens qui vont pas bien. L'enfant est innocent mais il prépare sa vie pour être plus tard trafiquant d'âmes ou d'armes ou un simple nazi. L'enfant rembête, quoi qu'on peut en dire. On tente un dialogue animal et niait notre sourire. L'enfant est une proie facile pour vendre de simples jeux, pour vendre de simples missiles, pour tuer simplement des civils. Être enfant c'est un peu comme la loterie. Faut tirer le bon numéro pour celles et ceux qui vont apprendre la vie. Certains n'ont pas de chance, grandissent avec la haine des parents fachos et plus tard militants FN. Être enfant c'est aussi ne pas comprendre le monde qui nous entoure, ne pas voir les couleurs et pour eux reconnaître de l'amour. Être enfant c'est voir la vie avec une grande simplicité. Le monde ne se résume qu'à la vie de ton quartier. Certains ont de la chance et d'autres n'en ont pas. Certains mangent à leur faim, d'autres à la semaine n'ont qu'un repas. Être enfant c'est voir le défaut de chaque adulte, voir la tristesse chez certains qui les occultent. Être enfant, c'est aussi faire des chaussures pour les occidentaux. 250 millions de gosses sont forcés aux travaux. Être enfant, c'est aussi parfois faire le trottoir, sacrifier son corps contre quelques dollars. Faire des ballons de foot en fait qui sont bien plus rentables, qu'il n'y ait plus de doute en dette profit international. Être enfant n'est pas que synonyme de facilité. Arrête de plaindre ton enfant, soi-disant fragilisé. Car beaucoup d'enfants grandissent l'arme à la main, de la haine dans les veines et de l'amphétamine cachée dans le poing. Pour avancer au pas, ne pas connaître la peur, ne pas avoir de remords, ne pas sentir la douleur. Être enfant n'est pas tous les jours facile, docile, quand tu vois ta famille qui est pris pour cible. Assiste à un massacre organisé par la Bible, des soi-disant croyants que la folie assassine. Être enfant, ce n'est pas penser à tout ça, ne pas se poser de questions et avancer au pas. Pour avancer bien droit, plein de gens se croient très mûrs, mais en fait ne le sont pas. Qui avance au pas, au pas. Être adulte dépend de ton éducation, pas de ton revenu ni des années de prison. L'adulte est un enfant qui croit qu'il a grandi, que ses pensées sont bonnes et qu'il connaît la vie. Un adulte est un enfant avec beaucoup d'années, avec plein de projets mais pas beaucoup de sincérité. L'adulte croit qu'il connaît tout sur tout, il a les yeux bandés et en fait ne connaît rien du tout. L'adulte parle souvent de choses qu'il connaît pas, veut se rendre intéressant car il ne comprend pas. Pourquoi le monde lui échappe tant que ça? Pourquoi se sentir obligé de créer des lois? Il te dira que les lois sont faites pour tous les inconscients. Il en fait partie, ne le sait pas car lui-même n'est pas conscient. Les lois sont faites tout simplement pour garder l'adulte dans ses filets tout comme l'enfant. Être un enfant, être un adulte, est synonyme. Pourquoi le monde lui échappe tant que ça? Pourquoi se sentir obligé de créer des lois? Pourquoi être un adulte? Et pourquoi être un enfant? Ok.